Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Il a été accompagné de Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du Comité central du Parti, et d'autres cadres responsables du Comité central du Parti et du Comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Le maréchal Kim Jong-un a félicité chaleureusement les participants à la conférence qui se sont dévoués entièrement dans les champs de la patrie pour appliquer les idées du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en matière d'éducation rurale socialiste et la politique agricole du parti, en faisant preuve de la fidélité et du patriotisme, et s'est fait photographier en souvenir avec eux. Il s'est exprimé convaincu que les participants à la conférence contribueront énergiquement à renforcer pour toujours l'union en organisation des travailleurs agricoles des grands leaders et du parti, et à accélérer la victoire finale de la cause socialiste toutière.